Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, je vais le faire sur l'explication de ce qu'on appelle communément la confusion. Alors, je voudrais expliquer la confusion et la fonction de la confusion chez l'homme, sur le plan psychologique, lorsque l'homme avance et entre graduellement dans la conscience supramentale. On sait ou on découvre que la conscience supramentale, ce qu'on appelle la conscience supramentale, c'est le contrôle éventuel des activités psychiques de l'homme par le double de l'homme, la partie universelle de l'homme. Et l'ego n'est pas habitué, à cause de son expérience passée, à vivre d'une façon harmonieuse et balancée en fonction de ce contrôle du double sur lui-même, c'est-à-dire le contrôle de sa partie cosmique sur sa partie planétaire. Et la partie cosmique du double de l'homme ne peut pas se faire valoir chez lui, à moins de se servir de certains subterfuges, de certaines techniques, si vous voulez, techniques qui défassent l'ego, techniques qui ne plaisent pas à l'ego, qui ne plaisent pas à l'homme planétaire. Et la confusion, c'est une de ces techniques. La confusion n'est pas seulement un état psychologique. La confusion est aussi un état de très haute et de très intense vibration sur le plan mental. La confusion dans l'homme est créée de toutes pièces par le double, selon les contingences des événements qui font partie du plan de vie de l'ego et qui servent constamment à mettre l'ego au pied du mur. Pourquoi l'ego doit être mis au pied du mur dans l'évolution vers la conscience supramentale? C'est parce que l'ego ne peut rien apprendre par l'intelligence. Il doit apprendre tout par l'expérience. Et comme il ne peut rien apprendre par l'intelligence, autrement dit, comme il ne peut pas prendre dans le sens viscéral du terme, comme il ne peut pas être imprimé en lui sur tous ses plans, la conscience vibratoire du double, par le mode de l'intelligence, elle est obligée de subir, de souffrir une certaine pression exercée par le double contre les caractéristiques que lui veut manipuler et dont le double éventuellement se sert pour contrefaçonner l'intention ou les intentions naturelles, psychologiques, émotives de l'ego. Chez l'être inconscient, la confusion existe. Chez l'être inconscient, la confusion existe dans ce sens qu'il y a des événements dans la vie où l'homme ne peut pas prendre de décision, ne voit pas clair. Chez l'être qui se conscientise et qui n'est pas encore arrivé à une conscience suffisante pour ne jamais souffrir de ne pas voir clair, même s'il ne voit pas clair, c'est une autre condition. L'ego veut toujours voir clair dans la vie. Parce que quand il voit clair, je parle de l'ego inconscient, quand il voit clair, il est en sécurité. Quand il se conscientise et que son double, sa partie universelle, prend de plus en plus de place dans sa vie, il perd cette capacité de pouvoir s'arranger à sa façon, pour voir clair à sa façon. Donc, il devient confus si les événements qui sont créés dans sa vie ne conviennent pas à sa sécurité psychologique ou à un mouvement naturel de sa créativité. Dans le phénomène de chercher à voir clair dans la vie, Dans le phénomène de la recherche d'un état de paix où la confusion n'existe pas, il y a trois étapes. Il y a l'étape de l'être inconscient qui peut être confus à cause de son incapacité de transiger avec des événements qui ne sont pas sous son contrôle. Il y a chez l'être qui se conscientise, qui commence à se conscientiser. L'autre condition où l'ego est assujetti de plus en plus à des conditions ou à des événements qui créent le brouillard dans sa vie et qui l'empêchent de voir clair. Et ces conditions peuvent être suffisamment fortes pour que l'ego ne puisse pas voir clair, même si la solution à une condition ou à un problème est très très près de lui. Il y a la troisième étape où l'ego doit apprendre, ou il apprendra au cours des années, à pouvoir, et ceci est très important, à pouvoir maintenir l'équilibre psychologique, mental et émotionnel, même sous des conditions, ou même sous la pression de conditions qui créent le brouillard, qui lui empêche de voir clair. Et ça, c'est une condition fondamentale de la transformation du corps mental et du corps émotionnel de l'homme dans la conscience, dans la supraconscience, qui vient aujourd'hui de plus en plus sur le globe affecter énergétiquement les êtres humains. L'habitude que possède l'ego de chercher à prendre le contrôle de ces événements pour voir clair, lui est enlevé quand il se conscientise, donc il ne voit pas plus clair qu'il voyait avant, même il peut voir encore moins clair qu'avant dans un sens, parce qu'il a une conscience encore plus précise de la réalité du phénomène psychique chez lui. Mais il doit éventuellement dépasser cette condition pour être capable de vivre, de maintenir le statu quo mental et émotionnel, ou l'équilibre mental et l'équilibre émotionnel, même quand il ne voit pas clair. Parce que l'ego découvrira un jour, quand il sera très conscient, que ce n'est pas de ses affaires de voir clair, c'est de ses affaires de pouvoir absorber l'énergie de son double, qui, une fois dissipé, qui, une fois cessant de travailler sur ses corps, automatiquement élève le brouillard et automatiquement l'ego voit clair. Alors, pourquoi l'ego ne voit pas clair? Parce qu'il essaie de voir clair. Et comme il essaie de voir clair, il essaie de prendre contrôle des événements de sa vie à l'insu ou au-delà de ce que le double lui veut. Il ne faut pas interpréter mes paroles. Comme je dis toujours, mes paroles sont toujours des couteaux à deux tranchants. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas que l'ego voit clair. Je dis que s'il y a des conditions où l'ego ne voit pas clair, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il sera obligé de vivre ces conditions. Et c'est lorsque l'ego vit les conditions où il manque de clairvoyance, qu'il doit être capable, suffisant en résistance mentale et suffisant en résistance émotionnelle, de subir et de vivre la haute concentration d'énergie qui se loge dans son mental, qui peut affecter son émotif, et demeurer totalement au-dessus de la situation qui est embrouillée et qui est créée par le double pour développer une résistance mentale et une résistance émotionnelle. Pourquoi est-il important pour l'homme nouveau, d'en arriver à pouvoir subir la pression vibratoire créée par le double contre son mental? Dans le cadre de la phénoménalisation de l'impuissance psychologique, c'est pour permettre éventuellement, dans le temps, à des hommes, à des femmes, de pouvoir ne jamais interférer avec l'intelligence créative, supramentale et universelle de l'homme. L'ego est absolument impuissant à pouvoir reconnaître la nécessité de certains événements dans la vie, parce que l'ego, lui, cherche toujours à se sécuriser psychologiquement dans la vie. Et la sécurité de l'ego dans la vie, ce n'est pas, ne doit pas être de l'ordre psychologique. La sécurité de l'ego dans la vie doit être d'un ordre supérieur, c'est-à-dire d'un ordre qui relève de la fine intelligence du double qui s'applique à diriger dans ses mouvements un ego qui est harmonisé à elle et qui puisse éventuellement, à cause de cette harmonisation, en arriver à vivre un état de fusion de plus en plus avancé afin que s'installe, que descende sur le plan matériel dans les années qui viennent, une conscience supérieure à la conscience catégorique de l'être humain, une conscience supérieure à l'intention psychologique et égocentrique de l'ego, afin que l'ego puisse faire des mouvements créatifs dans la vie qui relèvent du rapport très étroit entre la conscience et les événements futurs, au lieu de toujours être obligé de faire ou de créer ou de mécaniquement créer des événements qui ne relèvent pas de la conscience créative, mais qui relèvent d'une mémoire agencée à l'émotion et à la pensée et qui automatiquement donne au mouvement ou aux événements dans sa vie une sorte d'incapacité qui est déjà embryonnaire et qui est déjà impliquée ou incrustée dans la forme même de son mouvement. Exemple. Imaginez un homme, on prend comme exemple un homme tel que moi, qui doit travailler sur une base de 20, 25, 30, 40, 50 années. Il est absolument impossible à un ego de travailler sur une base de temps qui défie l'organisation psychologique des événements et qui empêche l'ego de pouvoir structurer l'avenir en fonction de ce qu'il ne sait pas. Donc, l'ego est obligé de vivre en fonction d'une harmonisation totale avec l'énergie créative de sa conscience pour pouvoir jeter ici et là dans le temps et dans l'espace des blocs qui, dans 10, 15, 20, 40, 50 ans, serviront à la construction d'un édifice qui fera partie de la créativité consciente de l'homme nouveau. Alors, dans le cas de l'homme qui se conscientise, c'est la même situation, c'est le même fardeau, et c'est toujours la même intention de la conscience créative. La conscience créative projette sur une planète telle que la nôtre, qui est une planète en voie d'évolution, projette des conditions futures que l'ego ne peut pas aujourd'hui, sur le plan psychologique, absorber ou accepter en toute sécurité psychologique, parce que les événements coïncident toujours avec une nouvelle force qui viendra demain vivifier l'ego, tandis qu'aujourd'hui, ce même ego ne pourrait pas supporter la conscience d'événements qui, demain, seraient trop lourds pour sa conscience d'aujourd'hui. Donc, il est évident que, dans les années qui viennent, l'ego, l'homme nouveau, sera assujetti à des périodes de fixation d'énergie. Et la confusion dans l'esprit, c'est une période où l'énergie est fixée dans l'ego, mais n'est pas canalisée. Étant fixée dans l'ego, elle possède une pulsation, elle possède une capacité de faire vibrer le mental et l'émotionnel, mais elle n'est pas encore décodée par le double. Donc, si elle n'est pas décodée par le double, elle n'existe dans l'âme que sous forme d'énergie. Et c'est là que l'homme doit vivre le poids de cette énergie. Mais les hommes ne sont pas tous fusionnés. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas tous perdu la faculté de penser. Donc, lorsqu'ils vivent cette pression en eux et qu'il y a encore en eux la faculté de penser, ils cherchent à décoder à travers leur ego cette énergie créative qui est en eux. Et automatiquement, qu'est-ce qui se produit? La haute vibration de cette énergie fait vibrer tellement le corps mental, tellement le corps astral, que si l'homme ne prend pas nette confiance en lui-même, c'est-à-dire s'il ne prend pas nette confiance que même sous cet état de pression, il y a une sérénité qu'il ne peut pas connaître, qu'il ne peut pas sentir, qu'il ne peut pas percevoir parce qu'il vit encore trop dans le mental et dans l'émotionnel, il y a tout de même une nette sérénité qui existe et c'est à l'ego de pouvoir éventuellement reconnaître lorsqu'il vibre dans cette énergie, cette sérénité. Mais pour qu'il la reconnaisse, cette sérénité, il faut qu'il soit conscient du jeu énormément amplifié par ses pensées subjectives et son émotion lorsqu'il n'est pas habitué à vivre l'expérience de la confusion consciemment. La confusion, c'est un outil utilisé par le double pour forcer l'ego à lâcher prise. La confusion, c'est un outil utilisé par le double pour forcer l'ego à lâcher prise. Et c'est un outil très puissant parce que l'ego fasse ceci ou qu'il fasse cela, la confusion demeurera dans son esprit. C'est le double qui élimine la confusion de l'esprit de l'ego. Ce n'est pas l'ego qui l'élimine, la confusion. Mais l'ego essaie toujours de l'éliminer parce qu'il a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il a des facultés planétaires, dont la faculté de penser. Et en pensant, au lieu d'éliminer la confusion, il ajoute à elle. Et la confusion à laquelle il ajoute fait partie de son expérience. Et elle doit être éliminée avec le temps. Parce que l'ego ne peut pas cesser de penser qu'après un certain nombre d'années. Ou l'ego ne peut pas prendre conscience que ses pensées sont réellement pré-personnelles avant un certain nombre d'années, parce que ça prend un certain travail sur son mental, par cette énergie, pour changer la couleur de ses pensées et amener ses pensées à un état de vibration suffisamment haut pour qu'il n'y ait plus de connexion entre le mental et le corps émotionnel de l'homme. Lorsque l'ego comprend ou aura compris l'importance de la confusion, il aura compris l'importance de vivre l'énergie dans le présent de son expression. Et lorsqu'il aura compris ceci, qu'il pourra vivre cette énergie dans le présent de son expérience sans être bouleversé par ses propres pensées, en étant capable de vivre la confusion et de l'éteindre lentement, il pourra commencer à sortir de la confusion, mais il demeurera toujours dans l'énergie de la confusion tant que les événements ne seront pas advenus permettant à cette confusion de se réorganiser et de devenir un anagramme quelconque pour la manifestation de sa vie créative et intelligente. La confusion est essentielle dans la déprogrammation psychologique de l'être humain. Elle est essentielle dans la réorganisation du taux vibratoire des neurones pour le cerveau. Elle est essentielle dans l'accumulation ou pour l'accumulation dans le mental d'une certaine force qui crée magnétiquement un centre et qui devient éventuellement le point d'appui de la conscience supramentale chez l'être humain, au lieu que l'être humain soit libre d'utiliser un champ de force inférieur qui est le champ de force de sa pensée personnelle. L'ego n'aime pas être confus. L'ego a droit de ne pas être confus. L'ego, de toutes sortes de façons ou de toutes sortes de manières, cherche, développe des méthodes dans sa vie pour ne pas vivre la confusion. Il cherche à se donner dans la vie un certain ordre, ainsi de suite. Ceci fait partie de la caractéristique naturelle d'un ego intelligent, dans le sens inconscient. Mais lorsque l'ego se conscientise, c'est-à-dire que lorsqu'il commence à prendre possession de lui-même, c'est-à-dire que lorsque son vrai lui-même commence à prendre possession de l'ego, automatiquement, il y a une décoloration de sa conscience mentale et une décoloration de sa conscience astrale. Et cette décoloration ennuie l'ego. Elle ennuie toujours l'ego. Elle ennuiera toujours l'ego. Jusqu'au jour où l'ego ne sera plus ennuyé par le processus de décoloration. Et lorsque l'ego ne sera plus ennuyé par le processus de décoloration, ce sera un signe qu'il est capable de vivre dans l'énergie de la conscience supramentale, et automatiquement, ce sera un signe pour lui qu'il est supramentalement conscient. Nous parlons de conscience. Nous avons parlé de conscience. Les gens sont conscients. Être conscient au stade de l'homme actuel veut dire avoir pris conscience de quelque chose autre dans sa vie psychologique. Mais ceci ne veut pas dire être supraconscient. Être supraconscient, pour être supraconscient, il faut déjà avoir dépassé l'intérêt personnel, la réflexion égoïque de notre propre conscience. Parce que si l'homme a une réflexion égoïque de sa conscience, automatiquement il y aura des reflets dans son astralité, automatiquement il y aura une projection entre lui et d'autres hommes d'une certaine forme pensée ou d'une certaine parole qui réfléchira une sorte d'inconscient. Donc, dans la conscience de l'homme qui se conscientise, il y a un très haut pourcentage ou un très grand pourcentage d'inconscient. Il ne faut jamais que l'homme s'imagine que parce qu'il est conscient, il est supramentalement conscient ou il est supraconscient. Pour être supraconscient, il faut avoir aucune conscience de soi en tant qu'ego. Si nous avons quelque conscience de soi en tant qu'ego, même si nous sommes conscients, nous ne sommes pas supraconscients, c'est-à-dire que nous n'avons pas vécu l'expression de l'intelligence créative à travers le corps mental, nous avons simplement vécu la sensibilité de notre corps mental à cette énergie. Donc, nous avons vécu le mouvement de bas en haut au lieu d'avoir vécu le mouvement de haut en bas. Et c'est la situation de l'homme aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il progresse vers cette supraconscience. Et lorsque l'homme aura découvert la supraconscience, je lui enseignerai un autre aspect et je lui ferai reconnaître que la supraconscience est une autre illusion, ainsi de suite. Pourquoi? Pour que l'homme, un jour, dans un état final de son évolution, en arrive à posséder totalement son énergie sur le plan matériel. Pour qu'il en arrive un jour à posséder complètement son énergie dans le mental, dans l'astral, dans le vital et le physique, ce qui l'amènera automatiquement au dédoublement, ce qui l'amènera automatiquement à la conscience pure. Donc la confusion est un état temporaire qui fait partie de la détérioration des liens d'amour, de spiritualité entre l'homme, l'ego et l'énergie. La confusion, elle est nécessaire pour tuer dans l'homme l'amour qu'il a à cause de sa conscience inconsciente ou à cause de sa conscience non supraconsciente pour les forces qui agissent en lui et qui font partie de lui. Un homme supraconscient ne peut pas aimer les forces qui font partie de lui. Un homme supraconscient ne peut pas aimer les forces qui font partie de lui parce que aussitôt qu'il aime les forces qui font partie de lui, il est assujetti émotivement et mentalement à leur énergie. Donc, il ne les contrôle pas. Donc, ne les contrôlant pas, il ne peut pas être supraconscient. Il est simplement conscient. Lorsque l'homme vit le phénomène de confusion, et lorsque ce phénomène de confusion est très avancé, lorsque la condensation ou la concentration de cette énergie dans l'atome mental de l'homme devient très intense, il est absolument impossible pour l'homme de même s'imaginer, de même vouloir aimer ses forces. Parce que aussitôt que l'homme aime les forces, il est assujetti à elle et il souffre. Regardez les hommes dans le monde qui ont des facultés psychiques. Regardez les médiums. Regardez les gens qui sont canals, inconscients à ses forces. Et vous verrez qu'ils aiment ses forces. Mais ils souffrent de ses forces. Et l'homme ne doit pas souffrir des forces parce que l'homme est fait de ses forces. Il est atomiquement fait de cette énergie, mentalement, émotivement, vitalement et physiquement. Mais tant qu'il n'a pas subi suffisamment de confusion, tant qu'il n'a pas été suffisamment confus pour détester cette énergie, il est incapable de remplacer la confusion par un état d'alerte dans son esprit, c'est-à-dire un état de voyance. C'est-à-dire un état de vision, c'est-à-dire un état de repos, c'est-à-dire un état de mouvement en potentiel qui fait son affaire à lui, qui convient à lui, qui convient à son intelligence qui a été rendue à lui une fois que la confusion a cessé et qu'il a pris à cause de la confusion, qu'il a absorbé à cause de la confusion un petit peu plus d'intelligence. Comment l'intelligence entre dans l'homme? L'intelligence n'entre pas dans l'homme par la voie de l'intellect, il est évident. L'intelligence entre dans l'homme par la voie de l'appréciation, c'est-à-dire par la voie de l'impression, c'est-à-dire par la voie de l'impression de ses caractéristiques vibratoires contre et sur et envers son mental et son émotionnel. C'est ainsi que l'homme devient intelligent. Mais comme il n'est pas habitué, comme ses corps ne sont pas ajustés, il subit et il vit ce que nous appelons la confusion tant qu'il n'est pas arrivé à un niveau de conscience, de supraconscience, ou même dans cet état d'énergie, la seule chose pour lui à faire, c'est d'attendre, mais de ne plus projeter d'aucune façon dans une direction ou dans une autre. La confusion qui est placée dans l'ego, la confusion qui est logée dans son mental, est une porte de sortie. Elle est toujours une porte de sortie. Là où il y a confusion, il y a ensuite construction. Mais construction, selon l'intelligence créative de l'ego, là où il y a confusion, il y a ajustement du corps mental. Là où il y a confusion, il y a ajustement du corps émotionnel. Donc il y a subliminalement transformation de l'homme, il y a donc subliminalement un autre homme, c'est-à-dire un homme qui est plus réel, subliminalement plus réel. Donc la confusion est absolument nécessaire pour que l'homme en arrive à ne plus jamais un jour être confus. Mais les voies du double, les voies dont se sert le double, ne peuvent jamais convenir à la psychologie de l'ego. Pourquoi? Parce que le double se fout de l'ego. Puisque le double, c'est la lumière dans l'ego. Et puisque l'ego n'est que un peu ou plus ou moins de coloration dans le mental et dans l'émotionnel. Donc, pour le double, l'ego n'est pas rien. Pour le double, l'ego n'est que de la fabrication. Pour le double, l'ego n'est que de l'imagination. Et à cause de ceci, il convient parfaitement au double, une fois que l'ego a été instruit dans la mécanique psychique de la conscience et de l'intelligence créative, il devient naturel au double de s'imposer à l'ego et de s'imposer autant qu'il le peut. Ceci veut dire autant que l'ego lui donne la chance, c'est-à-dire autant que l'ego est suffisamment non averti, autant que l'ego est suffisamment conscient ou inconscient, mais non suffisamment supraconscient pour se faire prendre. La construction chez l'homme nouveau de la conscience supramentale ou de la supraconscience ou de cette conscience élevée ou de cette intelligence vibrante ne peut pas relever de la constriction psychologique de l'être humain. D'où la confusion pour faire éclater, comme dans le phénomène de la grenade, les aspects de la psychologie humaine qui font interférence avec l'application vibratoire de cette énergie dans le corpus expérientiel de l'homme sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Nous avons beaucoup de difficultés et c'est normal parce que nous n'avons pas l'expérience de cette conscience supramentale. Nous n'avons pas l'expérience. Et elle ne peut pas être expliquée à l'homme par la voie philosophique. Et comme elle ne peut pas être expliquée à lui par la voie philosophique, il n'a aucune façon, l'homme, de la comprendre, de la vivre, que par imposition, c'est-à-dire que par expérience, c'est-à-dire que par confusion, lorsqu'elle atteint des nœuds ou elle change la conscience humaine. Donc la confusion dans la vie, lorsque nous devenons de plus en plus sensibles à l'énergie, fait partie de la transmutation de l'homme. Et c'est dans la confusion que l'homme est testé dans son émotivité et dans son mental. ce n'est pas en dehors de la confusion, c'est dans la confusion. Et même si l'homme ne veut pas accepter la confusion, même si l'homme voudrait que les forces aillent plutôt dans sa direction, lui indiquent plutôt le chemin, ça fait partie de l'illusion de sa conscience. Les forces ne sont pas dans la vie de l'homme pour l'aider. Les forces sont dans la vie de l'homme pour le tester. Et quand je parle des forces, je parle de l'énergie. Je ne parle pas des entités sur d'autres plans. Donc, l'énergie dans l'homme, l'énergie du double, elle est là pour tester l'ego. Surtout lorsque l'homme entre en voie d'évolution supérieure, il est évident que maintenant que le double a l'opportunité, si vous voulez, de faire fusion avec l'ego, il est évident que le double prendra tout ce qu'il peut dans la vie de l'ego pour transmuter les principes inférieurs de l'homme afin que ce dernier puisse éventuellement se servir de l'énergie du double et afin que le double puisse éventuellement descendre dans la matière. Il doit y avoir échange. Mais nous ne parlons plus maintenant d'inconscience, nous parlons maintenant de conscience. Mais comme nous parlons de conscience, ou tant que nous parlons de conscience, nous avons l'impression que la conscience, c'est l'état ultime de l'homme. Ce n'est pas l'état ultime de l'homme. La conscience, c'est simplement le point dans la vie de l'homme où il y a une transmutation, une transition entre son inconscience et son intelligence pure. Donc, c'est lorsque l'homme devient conscient qu'il vit et qu'il subit la confusion. Et la confusion peut être très intense, parce que l'homme perd petit à petit son appareillage psychologique. Il n'a plus la faculté, comme auparavant, de transiger avec des pensées, ou, ayant conscience suffisante des pensées, il connaît le jeu des pensées. Donc, l'homme est obligé de vivre la confusion. Et dans le phénomène de la confusion qu'il vit, il y a encore des pensées qui essaient d'assujettir son ego, des pensées qui essaient de soulever de l'émotion, ou des émotions qui essaient de soulever des pensées, et l'homme vit plus, d'une façon plus souffrante, la confusion. Ultimement parlant, et ceci existe pour moi-même, ultimement parlant, la confusion devient un état d'arrêt où il est empêché à l'ego de faire interférence quoi que ce soit avec une planification quelconque du futur par le double. Donc, même moi, dans ma vie, je vis ce que vous appelez la confusion. Je ne la vis pas comme vous la vivez, elle est beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus réelle, elle est beaucoup plus fatigante, mais elle n'est pas souffrante. Elle n'est pas souffrante, parce que je n'ai pas de pensée pour l'alimenter. Mais je la vis, la confusion. Et souvent, quelqu'un me vient et me dit, qu'est-ce qui va se produire? Et je n'ai rien dans la tête. Je suis dans la confusion. Je suis confus. Ceci ne veut pas dire que je suis confus. Ceci veut dire que je suis confus. C'est-à-dire que je n'ai pas, à ce moment-là, l'avantage de la fusion. Je ne veux pas me servir de la fusion pour donner à la personne qui me demande une question une réponse. Donc, je suis confus, mais je ne souffre pas de la confusion. Et les hommes qui se conscientiseront sur la terre seront obligés de connaître la confusion dans la conscience pour en arriver à la supraconscience. Parce que la confusion permet à l'homme conscient de devenir supraconscient, c'est-à-dire de devenir désengagé égoïquement de son être-té. La confusion désengage l'homme de son être-té. Elle le désengage de la valeur psychologique qu'il puisse donner à des événements. Donc, elle augmente le rapport entre l'énergie et le plan supérieur de son mental. Donc, elle le rend forcément plus intelligent, c'est-à-dire plus réceptif, c'est-à-dire plus canalisant de cette énergie. Si l'homme ne connaissait pas la confusion, il ne pourrait pas voir le miroitement de son ego. Il ne pourrait pas sentir son ego. C'est dans la confusion ou dans une confusion quelconque que l'on sent l'ego. Quelqu'un qui donne un choc inconsciemment ou consciemment, ou quelqu'un qui vit un choc dans la vie, est temporairement confus. Si vous vous rappelez des expériences que vous avez connues sur le plan d'un choc quelconque au niveau de votre ego, vous verrez que dans une instantanéité, il y a en vous confusion. C'est comme si dans une instantanéité, vous ne savez plus sur quel pied danser. Donc, cette confusion sert à quoi? Elle sert à vous faire prendre conscience. Elle sert à vous faire prendre conscience de votre émotivité. Elle sert à vous faire prendre conscience de votre attitude mentale. Elle sert à vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc, la vie qui crée des chocs crée automatiquement chez l'homme de la confusion. Donc, la confusion existe chez l'homme à différents degrés. Et plus l'homme se conscientise, plus il est sujet à la confusion. Mais d'un autre côté, comme il se conscientise, moins il est assujetti à la confusion. Donc, si l'homme est capable d'être sujet à la confusion et ne pas être assujetti à la confusion, déjà, il est libre dans la confusion, mais non de la confusion. Étant libre dans la confusion, il attend que le ciel se claire, que les nuages se dispersent pour que réapparaisse le soleil. Mais nous voulons, à coups de bras et à coups de main, faire disparaître les nuages. Et les hommes sont ainsi. Ils veulent, aussitôt qu'il y a un nuage, aussitôt qu'il y a de la confusion, ils veulent faire disparaître le nuage. Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils font disparaître le nuage, mais en en créant un autre qui n'a pas de couleur et qu'ils verront demain, et c'est ce que vous appelez les erreurs. Donc, ce que nous appelons l'erreur est toujours l'effort chez l'homme d'éliminer la confusion. Nous ne sommes pas habitués à vivre confus. Notre civilisation, notre éducation, notre façon de vivre ne convient pas de cette façon de vivre. Il y a des gens qui ont des vies moins confuses que d'autres. On ne peut pas. Moi, quand j'explique la confusion, je l'explique sur un plan universel. Il y a certainement des gens qui vivent moins de confusion que d'autres, mais ça dépend toujours du travail que fait le double contre l'ego. Mais pour ceux et la majorité qui vivent la confusion, ils doivent un jour éventuellement la reconnaître comme étant une condition fixée par le double dans le mental pour empêcher l'émotion de transiger avec l'intellect, pour empêcher l'émotion d'affecter l'intellect. Mais dans les débuts de la confusion, dans l'expérience de la confusion dans ses débuts, on n'est pas capable de vivre sans que l'émotion affecte l'intellect, mais avec le temps, on l'apprend, parce que la confusion reviendra pour éventuellement nous forcer à reconnaître l'essentiel chez soi quand nous sommes confus, cet essentiel étant fait d'une capacité interne d'attendre que les nuages se dispersent au lieu de nous forcer leur disparition par un coup de main qui nous fera faire demain une erreur. Je reçois des lettres, des fois je reçois des cassettes. J'en reçois beaucoup. Je ne réponds pas à toutes les lettres et à toutes les cassettes. De temps à autre, je vais répondre. C'est vibratoire. Mais le problème chez l'homme, chez tous ces gens qui m'écrivent ou qui me parlent, est toujours le même. Ils souffrent de confusion. Ils sont confus. ils se sentent au pied du mur. Mais c'est justement ce mur qu'ils doivent sentir. L'ego doit sentir le mur et être capable de demeurer au pied du mur dans la confusion que crée le mur, au lieu d'essayer, comme un lapin, de sauter par-dessus. Le mur doit disparaître par lui-même ou en fonction de l'intelligence créative de l'ego. L'ego ne peut pas abattre ce mur. S'il le recule, il viendra un point où le mur sera fixé par le double. Vous pouvez reculer l'échéance du mur, mais il y aura quelque part dans le temps, que ce soit dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura quelque part dans le temps un mur infranchissable. Et ce mur infranchissable, à cause de sa densité, à cause de sa perplexité, à cause de son apparente impuissance à réfléchir de l'intelligence ou de l'organisation, sera le test ultime de la résistance psychologique, mentale et émotionnelle de l'ego. Et ça, c'est sur le plan matériel. C'est dans votre vie matérielle. C'est dans votre vie d'éveil. Ensuite, il y aura les murs dans les autres plans. Et laissez-moi vous dire que les murs dans les autres plans sont beaucoup plus infranchissables que les murs sur le plan matériel quand vous êtes conscient. Donc, si vous n'êtes pas capable de franchir les murs alors que vous êtes dans la matière, comment pourrez-vous franchir les murs qui séparent le monde de l'illusion de la réalité éthérique et morontielle du double humain? Et c'est là que se fait le choix de l'évolution. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra dans la vie et vous dire, mais vous, vous allez à gauche et vous, vous allez à droite, comme le pensent beaucoup d'hommes sérieux, religieux, philosophiques et théologiques dans le monde. Les hommes seront séparés dans la vie par eux-mêmes, selon des lois qui font partie d'eux-mêmes, selon les lois de leur propre conscience, de leur propre vibration. Donc le mur doit être vécu et la confusion au bas du mur doit être réalisée, conçue, vécue dans un état de sérénité. Vive la confusion dans un état de sérénité, c'est-à-dire vivre la confusion, c'est-à-dire la subir sur le plan mental et sur le plan émotionnel, sans que l'ego prenne charge des conditions